Ce valet s'approche de mon lit et me dit « Allons, camarade, debout. Habillez-vous et partons. » Je lui répondis d'entre les draps et la couverture dont j'avais la tête enveloppée, sans le voir sans être vu. « Camarade, laissez-moi dormir et partez. » Le valet me réplique qu'il a des ordres de son maître et qu'il faut qu'il les exécute. « Et votre maître qui ordonne d'un homme qu'il ne connaît pas, a-t-il ordonné de payer ce que je dois ici ? C'est une affaire faite. Dépêchez-vous. Tout le monde vous attend au château. Ou je vous réponds que vous serez mieux qu'ici. Si la suite répond, à la curiosité qu'on a de vous voir. » Je me laisse persuader. Je me lève, je m'habille, on me prend sous les bras. J'avais fait mes adieux à la doctoresse, et j'allais monter en carrosse, lorsque cette femme, s'approchant de moi, me tire par la manche et me prie de passer dans un coin de la chambre qu'elle avait au moins à me dire. « Là, notre ami, ajouta-t-elle, vous n'avez point, je crois, à vous plaindre de nous. Le docteur vous a sauvé une jambe. Moi, je vous ai bien soigné, et j'espère qu'au château, vous ne nous oublierez pas. Qui pourrais-je pour vous ? Demandez que ce fût mon mari qui vint pour vous y penser. Il y a du monde là. C'est la meilleure pratique du canton. Le seigneur est un homme généreux. On en est grassement payé. Il ne tiendrait qu'à vous de faire notre fortune. Mon mari a bien tenté à plusieurs reprises de s'y fourrer, mais inutilement. Mais, madame la doctoresse, n'est-il pas un chirurgien du château ? Assurément. Et si cet homme était votre mari, seriez-vous bien aise qu'on le desservît et qu'il fût expulsé ? Ce chirurgien est un homme à qui vous ne devez rien, et je crois que vous devez quelque chose à mon mari. Si vous êtes à deux pieds comme ci-devant, c'est son ouvrage. Et parce que votre mari m'a fait du bien, il faut que je fasse du mal à un autre. Encore, si la place était vacante.